sait jamais pas le temps de vivre en temps d'air profond. Faut faire ses preuves dans ce monde pour pas finir dans le feu. Sortir le calibre et faire feu. Pour 4 euros, finir incarcéré pour des faits qui méritent difficilement le pardon. Ils veulent tester, mettre à l'amende. Faire le bon choix est souvent difficile. Si tu laisses passer le moindre truc, les autres pensent que tu défiles. Chaque jour un nouveau défi, dans la street on se méfie. Pas de place pour les victimes, y'en a que pour le vice, la baisse, le bise, les liasses. Tombent les espèces, la carte bleue, le code qui va avec. Souvent c'est comme ça que ça se passe. Si on te coince dans l'abribus, on te saigne. Quand dans cette putain de rue plus personne ne passe. Petit cache bras vite fait comme ça dans le centre. Menu l'air sain courant dans le coin qui coûte cher quand on passe à la barre. Que peux-tu faire pour ta défense? Vous sollicitez la clémence d'un juge qui préférerait te voir. D'un jour à l'autre, tu risques de tout perdre. Ta thune, ta liberté, ta vie même. Pour pas qu'on dise de toi à le baltringue. T'es prêt à planter une lame ou à servir d'un flingue. D'un jour à l'autre, tu risques de tout perdre. Ta thune, ta liberté, ta vie même. Pour pas qu'on dise de toi à le baltringue. T'es prêt à planter une lame ou à servir d'un flingue. Un jour de plus à vivre ou un pas de plus vers la mort. La relation de certains avec les emmerdes, ça s'apparente parfois de l'amour. Souvent les ambiances dégénèrent. Plus pour une question d'honneur que pour une question de genre. Viennent ensuite les questions des flics ou des gendarmes. Comme ils disent pour déterminer les responsabilités des uns et des autres. Les témoignages des voisins présents derrière leurs fenêtres. Les dépositions des futurs ex-meilleurs potes. Les mandats dépôt, cellules, couloirs, mitard, parloir, mandat et lettres des proches. Je te parle de la vie de Kaira, la vraie, la nuit, l'ennui, joint au whisky, les cons esquivent. Car s'il y a contrôle, y'a insulte. Et s'il y a insulte, y'a garde à vue. Ça devient dangereux pour ceux qui ont du sursis et qui pourtant restaient près de libertad. Comme les révolutionnaires, mais qui bizarrement font tout pour se retrouver en cabane ou en cavale. D'un jour à l'autre, tu risques de tout perdre. Ta thune, ta liberté, ta vie même. Pour pas qu'on dise de toi à le baltringue. T'es prêt à planter une lame ou à servir d'un flingue. D'un jour à l'autre, tu risques de tout perdre. Ta thune, ta liberté, ta vie même. Pour pas qu'on dise de toi à le baltringue. T'es prêt à planter une lame ou à servir d'un flingue. Chargé de shit et de cocaïne, THC dans les urines. Grosse montée d'adrénaline, incapable de fermer sa gueule. C'est comme ça que ça part mal. Le costume était classe, le cercueil en bois. Beaucoup trop jeune, trop dingue, écrit sur la pierre tombale. A quitté ce monde au bout d'une lame dans l'indifférence totale. Pourtant la veille encore nique sa mère était dans le discours. Suivi de près par demain, je fais péter le nouveau CBR. Suivi d'un peu trop près par une putain de sale affaire. D'un jour à l'autre, tu risques de tout perdre. Ta thune, ta liberté, ta vie même. Pour pas qu'on dise de toi à le baltringue. T'es prêt à planter une lame ou à servir d'un flingue. D'un jour à l'autre, tu risques de tout perdre. Ta thune, ta liberté, ta vie même. Pour pas qu'on dise de toi à le baltringue. T'es prêt à planter une lame ou à servir d'un flingue. D'un jour à l'autre, tu risques de tout perdre. Ta thune, ta liberté, ta vie même. Pour pas qu'on dise de toi à le baltringue. T'es prêt à planter une lame ou à servir d'un flingue. D'un jour à l'autre, tu risques de tout perdre. Ta thune, ta liberté, ta vie même.